Chaque mois son importance, chaque mois son sens. Ne jamais sous-estimer le poids d'un mot. Tu le sais, chaque rime est millimétré. Je m'exprime même pour les illettrés. On me félicite, on me respecte pour mes écrits. Je crée et je parle pour le peuple. Je viens apaiser les vies, je mens pas. C'est sincère, c'est cru, les mots blessent. Au monde j'écris mes lettres de noblesse. Je rassemble les égarés comme à la messe. Et prie que le monde soit bercé par chant des mouettes. J'écris pour apaiser les âmes. Je gaspille de l'encre, je me torture le ventre vide. Je plane pour atterrir dans le cœur des gens. Tant qu'il y a de l'âme, il y a de la vie. Tant qu'il y a la vie, j'ai mon arme c'est le poids de mes écrits. Je vais rire, je vais pleurer, je vais même pleurer de rire. Je fais partie de ton avenir. Les mots sont le commencement des actes. Je berce vos songes avec ma voix, tu signes un pacte. Les mots blessent, saignent, pèsent trop. Les mots, le commencement des actes. Les mots blessent, saignent, pèsent trop. Les mots, le commencement des actes. J'ai cette image de mec triste, parce que mes mots pleurent et que j'ai la rime désenchantée. C'est quand j'ai du mal à supporter le poids des mots que je m'abats sur la feuille, un mot bien placé redonne une vie à un couple, un mot mal placé entraîne des guerres de peuples et de soupes. Dans l'éducation des mioches, les mots ont des répercussions qu'on ne maîtrise pas. J'assume mes dires, j'ai appris à lire et à comprendre. Si je te dis va chier, c'est que tu le mérites. Chaque rime a son sens, chaque rime a sa vie. Chaque rime a son importance, chaque rime est pesée, pensée. Combien de fois j'ai blessé, avec des paroles déplacées. Combien de fois j'ai baissé la garde, lorsqu'avec des mots on a brisé mes songes. Les mots blessent, saignent, pèsent trop. Les mots, le commencement des actes. Les mots blessent, saignent, pèsent trop. Les mots, le commencement des actes. J'ai de la haine à revendre, l'amour à donner. Je me faire comprendre pour être pardonné par ceux qui m'aimaient. À qui j'ai pas su rendre, j'ignore le geste. M'exprime avec des mots, je vais rendre mon âme aux cieux. Quand je me serai bien fait entendre, c'est la paix que je veux répandre. Il pleut, après toi, sous ma vérité. J'ai la rime imperméable, le poids d'un je t'aime. D'une mère à son gosse en cellule, d'un maché, de Bacardi au plouc de l'industrie. Derrière des mois d'un Somalien au monde, les mots pèsent, les mots m'ont fait, m'ont défait de mes mots. On bâtit nos empires dans la peine, on parle de crime quand nos écrits sont bafoués. Chaque mot est un souffle, chaque mot est une période de ma vie, et tu le sais. Les mots blessent, saignent, pèsent trop. Les mots, le commencement des actes. Les mots blessent, saignent, pèsent trop. Les mots, le commencement des actes. Les mots blessent, saignent, pèsent trop. Les mots, le commencement des actes.